وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بتوحيد رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Donc le shir a commencé son livre par al-basmala. Donc le shir là c'est le muhashi ou sharih, c'est-à-dire Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah. Il commence donc son livre avec la basmala, avec al-hamdala, avec le tashahhud, donc les deux shahadatayn, et avec les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est ce qu'il convient de faire lorsque le mu'allif, celui qui écrit son livre, ou celui qui commence sa khutba, c'est ce qu'il convient de faire. C'est des choses qui sont obligatoires dans une khutba. Et on verra par contre que dans le livre, le shir, par la suite, le shir Mohammed, dans Kitab Tawhid, il s'est contenté de citer juste la basmala. On va voir après, il en parle. Ensuite, il dit « Amma ba'd, fa inna kitab al-tawhidi al-lazi al-lafahu shaykh al-islam, al-shaykh Muhammadun ibn Abdil Wahhab, ajazalallahu lahu al-ajra wa al-thawab, laysa lahu al-nazirun fi al-wujud. » قد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع أما يقرب من ذلك أو يوصل إليه فصار بديعا في معناه لم يسبق إليه علما للموحدين وحجة على الملحدين واشتهر أي اشتهر وعكف عليه الطلبة وصار الغالب يحفظه عن ظهر قلب وعما نفع به وتصدى لشرحه والتعليق عليه جماعة من الجهابذة النبلاء وأول من تصدى لشرحه وأجاد حفيده الشيخ سليمان ابن شيخ عبد الله ثم هذبه وكمله وحفيده أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأبرز فيهما من البيان ما ينبغي أن يرجع إليه وعلق عليه أيضا الشيخ عبد الرحمن حاشية مفيدة وعلق عليه تلميذه الشيخ حمد بن عتيق وتلميذه الشيخ عبد الله أبا بتين وغيرهم ولشدة الاعتناء بهذا السفر الجليل تطفلت علي بوضع حاشية مختصرة منتخبة بما أبرزوه وغيره تسهيلا للطالب متوخيا فيها ما يلقيه الشيخنا الشيخ عبد الله بن شيخ عبد اللطيف والشيخ سعد بن شيخ حمد بن عتيق والشيخ محمد بن شيخ إبراهيم بن عبد اللطيف وغيرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc, le shir, il dit dans son introduction que donc ce livre-là, Kitab al-Tawhid, qu'a écrit donc le shir Muhammad ibn Abdel Wahhab, wa rahimahullah ta'ala, il dit qu'il n'a pas d'égal, c'est un livre qui n'a pas d'égal. Ici, ce qu'il veut dire, c'est que le shir Muhammad, rahimahullah, c'est le premier qui a écrit un livre consacré uniquement au tawhid dans l'adoration. C'est-à-dire qu'avant les ulama qui ont écrit avant lui, depuis l'époque des salafs, depuis les premiers qui ont écrit dans l'aqida, et qui ont écrit tous les livres qu'on connaît sous le nom de Kitab Sunnah, ils ont écrit toujours d'une manière globale. Du moins, ils ont toujours écrit dans les sujets de l'aqida qui étaient d'actualité à leur époque et qui étaient surtout des sujets de divergence chez les gens de la bid'a. Donc ils ont commencé à écrire dans l'asma wa sifat, comme on l'a vu dans le wasitiyah, ils ont commencé à écrire dans les sujets de l'qadar, Ils ont commencé à écrire dans le sujet dans les sujets de l'Iman ou le Kufr, lorsque les Murji'a sont sortis, dans l'Asma wa Sifat, quand le Jahmiya sont apparus, etc. Et il y a le premier qui a écrit un livre consacré au Tawhid dans l'adoration, c'est le Cheikh Mohammed, relativement à ce qui s'est passé à son époque, c'est-à-dire l'expansion du shirk dans l'adoration, et notamment dans l'adoration des tombes. Et donc c'est pour cela que ce livre, il n'a pas de semblable, dans le sens où il n'y a personne avant lui qui a consacré un livre uniquement au tawhid dans l'adoration. Et donc dans ce livre-là, le shir, il a éclairci, il a expliqué le tawhid qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire à ses adorateurs, et ce tawhid pour lequel Allah Jalla wa Ala les a créés. Et ce tawhid pour lequel il a envoyé les messagers et a révélé ses livres. Et donc dans ce livre-là, le shir, il a évoqué des choses qui contredisent la base de l'islam. C'est-à-dire, il va évoquer des chapitres, ou dans les chapitres qu'il a évoqués, qu'il a écrit, il y a des chapitres qui concernent des annulants de la base de l'islam, ou des chapitres qui concernent l'explication de la base de l'islam et des annulants qui vont annuler, c'est-à-dire cette base de l'islam, si bien que la personne devient mushrik, shirk al-akbar, donc kafir, qui n'est plus, sort de l'islam. Mais il a aussi évoqué des chapitres qui concernent le shirk asghar, c'est-à-dire l'association mineure. Donc, qui, comme on le sait, ne fait pas sortir de l'islam. Des choses qui font aussi partie de la bid'a et des péchés qui mènent au shirk, qui sont des chemins vers le shirk, mais qui ne sont pas du shirk en eux-mêmes. Comme le fait, on verra qu'il a cité des chapitres qui sont relatifs à l'adoration, mais à l'adoration dans des endroits comme les tombeaux, les cimetières. Donc ça, c'est des choses qui mènent au shirk, qui ne sont pas du shirk en soi, mais qui mènent au shirk. Et donc, comme il l'a dit avant, il l'a dit au début de son introduction, de cette manière-là, c'est un livre qui n'a pas de semblable, puisque, encore une fois, c'est le seul, ou c'est le premier du moins, qui a écrit un livre exclusivement dans le sens ou dont le but est d'éclaircir uniquement ce tawhid-là, même si à la fin, où il y a certains chapitres où le shir parle de les noms, le tawhid dans les noms et les attributs d'Allah Jalla wa Ala, ce qui contredit donc ce tawhid-là, comme on l'a vu de manière détaillée dans le Wasitiya. Et d'autres chapitres. Mais d'une manière globale, le livre, il est quand même centré sur Tawhid dans l'adoration. Qu'est-ce que le Tawhid dans l'adoration? Le Shir, il a cité une multitude de chapitres qui éclairent ce que c'est l'adoration, d'une manière globale au début, et après de manière détaillée, et ce qui va annuler ce Tawhid, ou ce qui va le diminuer, ce qui va le tronquer. Donc, dans tous les chapitres où il parle du shirk asghar, où il parle des péchés qui mènent au shirk. Et donc, ce livre-là, c'est devenu comme un. Comment on dit? C'est devenu comme un emblème pour les musulmans à son époque à lui. Et c'est devenu aussi une preuve contre. Les ennemis du tawhid et contre les gens qui contredisent le tawhid, et notamment le tawhid dans l'adoration, et notamment dans l'adoration des tombes, puisque c'est ce qui a été répandu à son époque à lui et jusqu'à aujourd'hui. Et donc son livre, il s'est répandu, et les toullab al-ilm, les étudiants en sciences, donc se sont concentrés sur ce livre-là. Et si bien que la grande majorité a appris par cœur ce livre. Et donc ça, c'est quelque chose d'important et d'insister là-dessus, Déjà, la base, c'est que dans la science, il n'y a pas de science sans hifz. C'est-à-dire que l'étudiant en science, quel que soit son niveau, parle pas simplement des étudiants avancés ou des gens qui atteignent le niveau de l'ijtihad, mais il n'y a pas d'études de la religion, de la science islamique sans apprentissage par cœur. Ça commence par le Coran et ensuite ça continue par al-mutun, c'est-à-dire les livres que les ulama ont écrits, ce qu'on appelle les muhtasarat, les livres qui sont concis mais qui contiennent beaucoup de sens et qui contiennent la majorité des masaïl qui concernent le sujet. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de parler de Kitab Tawhid, donc Tawhid dans l'adoration. Le Shir, il a concentré dans ces chapitres-là à peu près toutes les masaïl qui concernent le Tawhid dans l'adoration. De la même manière, les fuqaha, ils ont écrit des muhtasarat qui contiennent la grande majorité ou du moins les masaïl principales qu'on trouve dans le fiqh. Pareil dans les autres sciences, dans le hadith, etc. Et les ulama, ils ont écrit ces mutuns-là, donc ces textes raccourcis-là, ces résumés-là, afin que les étudiants les apprennent par cœur et cherchent à les comprendre en lisant des explications, etc. Tout ça pour dire que la religion, elle s'apprend par deux choses. Alors évidemment, il y a la compréhension, et c'est ce qui est quand même le point principal, parce que bon, apprendre des mots par cœur comme ça, si on comprend pas le sens, ça n'a pas de sens. Mais le hifz, les ulémas, tous les ulémas, c'est un ijma. Il n'y a pas de. À part là, dans ces époques-là, maintenant, les gens, il y en a certains qui disent non, c'est surtout la compréhension, apprendre par cœur, c'est de la perte de temps, c'est batel. Et ça contredit tout ce que les ulémas, les mutaqaddimoun, ils ont mis en place comme moyen d'acquérir la science. Le hifz, le fait d'apprendre par cœur, même si c'est que un peu, c'est important. Et c'est pour ça que les étudiants en sciences qui se sont intéressés à Kitab Tawhid, ils ont appris Kitab Tawhid. Comme on a lu Al-Wasitiya, il convient à celui qui en a les capacités d'apprendre Al-Wasitiya par cœur. Le matn, je parle pas du livre qu'on a lu de 400 pages. Hein. Donc c'est le matn, c'est pas très long. Et sans ça, sans un minimum de hifz, il n'y a pas d'ilm, il n'y a rien. Parce qu'un livre comme ça, en 400 pages, on le lit, ok. D'ici un mois, 2 mois ou 1 an, khlas, il reste plus rien. Alors que si on apprend le matin correctement, avec un bon hifz bien solide, il y a les bases des masaïl, elles restent. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc je vous invite tous, chacun selon sa capacité, à apprendre par cœur le livre, Kitab Tawhid, évidemment le matin. Un maximum de chacun selon ses possibilités, chacun selon sa capacité, le temps qu'il a, etc. Mais c'est quelque chose d'important. D'autant plus que Kitab Tawhid, c'est un livre, on va voir que le Shir, il l'a écrit un peu comme une risala, comme une lettre qu'il envoie aux gens. C'est-à-dire qu'il envoie aux gens qui enseignent et aux gens qui apprennent. Il l'a envoyé ça comme une lettre pour la da'wa, pour appeler les gens à l'islam et pour que les prêcheurs se basent sur ce livre pour faire la da'wa et pour que ceux qui apprennent se basent sur ce livre pour apprendre. Et donc, ça concerne le sujet principal, la base de la religion, la base sur laquelle toute la religion repose, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration. Et donc, apprendre un matn comme Kitab Tawhid, c'est d'autant plus bénéfique que si on regarde le matn, il est composé de quoi? De versets, de hadiths et quelques paroles de salaf. Mais la grosse majorité, c'est des versets et des hadiths. Donc, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce que l'étudiant il a besoin déjà pour lui. Et là, c'est aussi ce dont a besoin le prêcheur pour appeler à l'islam. Donc, appeler à l'islam, ça veut dire avoir les dalils avec soi, avoir les arguments avec soi. Donc c'est pour ça qu'il dit وَصَرَ الْغَالِبُ يَحْفَظُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ, c'est-à-dire ils l'ont appris par cœur. Dit وَعَمَّا نَفْعُ بِهِ, donc tout le monde a profité de cet écrit-là, ce livre du Cheikh. Et après lui, les ulama, ils ont expliqué son livre. Et ils ont fait des ta'liqat, c'est-à-dire des annotations, des hawashi. Et le premier qui s'est mis à l'ouvrage pour expliquer son livre, c'est Suleyman ibn Abdillah. Donc Abdullah, Cheikh Abdullah, c'est un des fils du Cheikh Mohammed. Et donc son fils Suleyman, donc qui est le petit-fils du Cheikh, c'est le premier qui a expliqué Kitab al-Tawhid dans un livre qui s'appelle Taysir al-Aziz al-Hamid. Donc c'est un livre très développé. C'est le charh le plus long, Allahu alam. C'est considéré comme le mutawwal, les charh longs. Il n'a pas fini, il est arrivé, Allahu alam, bab le musawwirin. Et le shir, il a été tué par le mushrikin de son époque. Donc il n'a pas fini son livre. Après lui est venu Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui s'est basé sur son charh. Donc il l'a. Qu'il l'a corrigé et qu'il l'a terminé. Et donc, c'est le charh qui est connu par à peu près tout le monde, Fath al-Majid. Donc, Fath al-Majid, en même temps, c'est un livre qui est répandu, connu par tout le monde, mais c'est pas non plus un livre qui est destiné aux débutants dans la mesure où c'est un livre qui est long aussi. Il est aussi considéré comme le mutawwalat parmi les charhs de Kitab Tawhid. Il est long, c'est assez long. Et ils ont donc, les deux cheikhs, ils ont dans ces livres-là apporté beaucoup d'éclaircissements concernant le matn, et donc il convient de s'intéresser à ces deux charhs-là, donc d'y revenir. Et le cheikh Abdurrahman, il a aussi écrit une hachia, c'est ce qu'on avait commencé à lire, donc Qurratu Uyun al-Muwahhidin. Donc c'est un livre plus court. Une hachia plus courte où le shir il a fait quelques annotations supplémentaires, il l'a écrit après Fath al-Majid. A écrit aussi une explication ou des annotations sur le livre, l'élève d'Abdurrahman ibn Hassan, Hamad ibn Atiq, qui fait partie des ulémas connus des savants de la da'wa Najdiya, et de la même manière Abba Boutain, Abdullah Abba Boutain, qui a aussi écrit. Des annotations sur le livre. Donc, c'est que des savants qui sont bien connus dans la da'wa al-Najdiya, dont on retrouve beaucoup les paroles dans Ad-Durar al-Sanniya. D'ailleurs, Durar al-Sanniya, qui a été réuni par l'auteur du livre qu'on lit, Abdurrahman ibn Qasim, c'est lui qui a réuni tout ce qu'on trouve dans Ad-Durar al-Sanniya. D'ailleurs, c'est aussi lui qui a réuni, il me semble, Allahu alam, une grande partie de ce qu'on trouve dans Majmu' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah. C'est lui qui a réuni ça. Même si ça a été complété par la suite, mais c'est lui qui a réuni la base. Donc le Shir, il a fait beaucoup d'efforts dans l'ilm pour réunir les paroles des pieux prédécesseurs que sont les A'immat de la Da'wa al-Najdiya et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans Majmu' al-Fatawa. Et il dit. Vu donc la ferveur des ulémas concernant aider des étudiants en sciences concernant ce livre, l'étude de ce livre et l'apprentissage de ce livre, et l'explication, les efforts qu'ils ont faits pour expliquer ce livre, il dit que lui aussi, il s'est donc mis à la tâche. Donc là, ici, il emploie un verbe, il a dit Tatafaltu alay. Tatafaltu alay. Le sens ici, c'est que le shir, il s'est lancé dans quelque chose dont il estime ne pas être à la hauteur. C'est un bab tawadu. C'est le shir, il montre de l'humilité en disant qu'il ne fait pas partie des gens qui sont du niveau de faire ça, mais il l'a fait pour profiter aux étudiants en sciences. C'est un bab tawadu d'humilité. Il est humble parce que bon, le shir, il a les capacités comme ça, c'est visible dans son livre. Et il a la science pour profiter aussi. Et donc, il a écrit cette hachia. Quand on dit hachia, c'est quoi la différence entre le charh et le hachia? Le charh, quand quelqu'un il écrit un charh, il va se concentrer à expliquer tous les mots qu'il y a dans le matn. Il laisse rien. S'il y a un verset, il va expliquer le verset et l'ensemble des mots que contient le verset. Pareil pour le hadith, etc. Alors que le hashia, C'est le fait d'expliquer certaines parties du matin souvent qui sont plus compliquées ou qui méritent d'être expliquées, qui sont pas claires. Et les choses qui sont assez claires, il les laisse. Donc lui, c'est une hachia qu'il a écrit. Donc des fois, il laisse certaines choses du matin qui sont assez claires pour être compris sans besoin d'avoir d'explications supplémentaires. Donc il dit hachia muhtasara muntakhaba. Muhtasara, donc raccourci. Al-muhtasar, c'est le fait de raccourcir quelque chose, donc d'en diminuer la taille, mais d'en garder le sens. C'était ça le but, encore une fois, quand on a parlé avant des moutons, donc les ulémas qui ont écrit des moutons dans les diverses sciences, le but c'est d'être concis, mais de ramener beaucoup de sens. Beaucoup de masaïl, beaucoup de sens en restant concis. C'est ça le but. Pour que les gens puissent l'apprendre par cœur, et avoir l'ensemble quand même des principales masaïl que contient ce sujet-là. Et là, ce qui est intéressant, il dit muntakhaba. Muntakhaba, c'est-à-dire, c'est des choses qu'il a sélectionnées dans les livres qu'il a cités avant, dans les livres des ulémas qui l'ont précédé dans l'explication de Kitab Tawhid, comme At-Taysir al-Aziz al-Hamid, comme Fath al-Majid, comme Qurratu Uyun al-Muwahhidin, comme Ibtal al-Tandid, le livre de Hamid ibn Atiq, ou les annotations de Abdullah Abba Boutain. Donc dans ce livre-là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a résumé ce qu'on trouve dans ces livres qui sont longs, ce qu'on appelle les mutawwalat, ce qui sont considérés comme des explications qui sont longues. Et j'ai entendu un shir dire, shir al-Hazimi, il dit que tu trouves rien dans Taysir al-Aziz al-Hamid sans que le shir il l'ait mis dans ce résumé-là. À part des fois, des fois il fait l'i'rab d'un mot ou il parle dans le hadith sur les rapporteurs du hadith, etc. Des fois, ça, le muhashi, ici Abdelrahman ibn Qasim, il a laissé ces choses-là. Mais sur ce qu'on appelle vraiment sulb al-mawdu', sur vraiment ce qui concerne le tawhid, ce qui concerne le sujet du livre, il n'a rien laissé de ce qu'il y a dans At-Taysir al-Aziz al-Hamid, qui est considéré comme la base des explications. Tous ceux qui ont écrit après se sont basés sur le livre de Sulayman ibn Abdillah. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir quelque chose qui est résumé, mais en même temps qui garde les masaïl principales du livre et les éléments principaux des explications qui ont été écrites avant. Et encore une fois, on a toujours la possibilité, si on a besoin de plus de détails ou si on pense ne pas avoir bien compris, parce que des fois le fait de résumer, ça peut des fois compliquer un peu la compréhension du sens de certains passages du livre, on peut toujours retourner au mutawwalat. On a Taysir al-Aziz al-Hamid, on a Fath al-Majid, pour ceux qui ne l'ont pas en livre, on le trouve facilement sur la Shamila, sur l'Internet et partout. Donc on peut toujours aller voir dans les mutawwalat pour vérifier quelque chose, pour s'assurer du sens de ce qu'on trouve dans ce Murtasar-là. Et aussi, ça permet, le fait que ça soit raccourci, ça permet aussi de réviser facilement. On peut lire un chapitre, réviser un chapitre facilement. En 10-15 minutes, on peut réviser le chapitre facilement. Alors que si on prend Fath al-Majid ou Taysir al-Aziz al-Hamid, c'est une autre histoire. Des fois, les chapitres, ils font 40 ou 50 pages pour réviser, c'est plus long. Et c'est aussi plus dur à retenir tout ce que contient ce genre de livres qui sont plus longs. Là, quelqu'un qui lit ce genre de livre, comme Al-Hashiyad ibn Qasim, qui le lit plusieurs fois, qui lit le chapitre, je ne sais pas, 20, 30 ou 40 fois, à la fin, il ne l'aura pas appris par cœur, mais il aura toutes les idées en tête. Donc, c'est ça le but du résumé. Et c'est ça le but d'El Moutoun à la base. Et il dit aussi qu'il a rajouté certaines choses, donc qu'il a appris avec ses chouyours à lui, dont Mohammed ibn Ibrahim et d'autres chouyours qui sont les descendants de la Da'wa al-Najdiya. Donc, il cite plusieurs noms de Shuyukh comme Sa'ad, le fils de Hamad ibn Atiq, ou Abdullah, le fils de Abdul Latif, al-Shir, rahimahullah, et d'autres. Donc voilà, ça c'est son introduction. Il explique un petit peu son manhaj, quel chemin il a suivi pour raccourcir ce livre-là. Et donc, dans ce livre-là, malgré le fait qu'il soit concis, qu'il soit plus court, on retrouve les éléments principaux qu'ont cité les gens qui ont expliqué le livre, les savants qui ont expliqué le livre avant lui, mais dans des livres qui sont plus longs, plus fastidieux à lire et qui sont aussi plus durs à retenir. Donc il commence. Le cheikh, donc Mohammed, rahimahullah, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc il a commencé son livre Kitab al-Tawhid par la basmala. Donc Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc al-Muhashi ibn Qasim, rahimahullah, il dit Ibtada'a bil basmalati iqtida'an bil kitab al-aziz. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته وعملا بحديث كل أمر ذي بال أي حال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وفي رواية أبتر أي ناقص البركة وهو وإن تم حسا لم يتم معنى وحقيقة ولم يفتتح المصنف كتابه بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب واقتصر على البسملة لأنها من أبلاغ الثناء والذكر وللخبر وكان صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته فكأنه أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما وقال حفيده رحمه الله وقع لي نسخة بخطه رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, le cheikh, il a commencé son livre par Al-Basmala. En suivant le livre d'Allah Azzawajal, Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé son livre par Al-Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et en suivant aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses écrits, notamment les écrits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait lorsqu'il a lancé la da'wa globale et qu'il a appelé les rois qui gouvernaient les pays autour de la péninsule, notamment le roi des Perses, le roi des Romains, etc. Il les a appelés, donc il a écrit en écrivant des lettres et il a systématiquement commencé ses lettres par le basmala. Bismillahirrahmanirrahim, comme il l'a fait dans la lettre qu'il a envoyée à Qaysar, donc le roi des Romains à cette époque-là, comme ça vient dans Sahih al-Bukhari, où il dit Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ibn Abdillah ila Qaysar azim al-Rum. Donc il a commencé par al-Basmala. Donc ça c'est ce qu'on appelle le sunnat al-fi'liya, c'est-à-dire c'est un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Et donc il a aussi commencé son livre par Al-Basmala, en mettant en pratique le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait dit Kullu amrin dhibal, c'est-à-dire toute chose, toute affaire qui a une importance, qui a une valeur dans la religion. La yubda'u fihi bi bismillahi ar-Rahman ar-Rahim fa huwa aqta' aw abtar. Il y a toute chose qui a une importance dans la religion, qui a une valeur dans la religion, religieusement, qui n'est pas commencée, débutée par Bismillahirrahmanirrahim, elle est tronquée. C'est-à-dire que elle est tronquée du point de vue de la baraka que va contenir cette action-là. La baraka qu'Allah Jalla wa Ala va mettre dans cette action-là, elle va être diminuée, tronquée, parce que la basmala n'a pas été prononcée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sunnat al-qawliya, puisque c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qu'il a dit avant le fait qu'il envoie ses lettres et qu'il commence ses lettres par la basmala, c'est une sunnah fi'liya. Or, le hadith de la sunnat al-qawliya, la majorité, donc le hadith qu'on a cité, la majorité des ulama disent que ce hadith-là, il est daif. Kullu amrin dhibal, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, fa wa aqta'a. Disent que c'est un hadith qui est daïf, la grande majorité des ulémas. Mais reste la sunna al-fi'liya, c'est-à-dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il débutait ses lettres par al-basmala. Et donc il dit concernant le fait de prononcer cette basmala, ou de ne pas la prononcer plutôt lorsqu'on fait un acte qui a une valeur dans la religion, comme le fait de manger, comme le fait de faire ses ablutions, comme un tas de choses dans laquelle légiférer au départ de dire la basmala, même si cet acte-là il est réalisé d'une manière complète, c'est-à-dire dans l'apparence, dans le sens il est tronqué, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas la pleine baraka, la pleine bénédiction dans cet acte-là. On peut remarquer que le shir, rahimahullah, il n'a pas débuté son livre en expliquant ou en faisant une khutba où il va expliquer le sens de son livre, c'est-à-dire où il va expliquer le but de son livre et pourquoi il a écrit son livre. Or ça, on peut répondre que le shir, il s'est contenté dans le premier titre qu'il a donné dans son livre, donc qui est Kitab Tawhid, le titre du premier chapitre. Ce titre-là, il fait office de khutbah, c'est-à-dire il montre quel est le but, quel est son but dans ce livre-là, c'est-à-dire c'est d'expliquer le tawhid et d'apporter les dalils du Coran et de la Sunna sur le tawhid d'Allah Azzawajal dans l'adoration. Donc le premier titre, le premier, ce qu'on appelle le tarjama. Tarjama, c'est les titres, le pluriel tarajim, c'est le premier, les titres que le shir, il donne au chapitre. On verra que c'est important de comprendre ça, c'est que les titres que le shir il a mis au chapitre, ces titres-là, ils contiennent un hukm, ils contiennent un statut. On verra soit c'est un statut général, soit c'est un statut particulier, mais il y a toujours un hukm dans ces titres qu'il met, comme l'a fait l'imam al-Bukhari ou dans son sahih. Et ensuite, en dessous du titre, donc en dessous du titre du chapitre, il met des versets du Coran et des hadiths qui sont des preuves, des dalils du hukm qu'on trouve dans les chapitres. Et le fait que le shir, il n'ait pas commencé son livre en faisant une khutbah, on peut expliquer que il s'est contenté ou il n'a pas fait de khutbah. Pourquoi? Parce que le maqsoud, c'est-à-dire ce qui est visé par son livre, le but de son livre, on le trouve dans le premier titre qu'il a écrit dans le premier chapitre, Kitab al-Tawhid. Donc le but du livre, c'est quoi? C'est d'éclaircir et de montrer ce que c'est le tawhid et d'apporter les preuves sur le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit muftatiha, c'est-à-dire qu'il n'a pas cité de khutbah qui commence par Alhamdulillah, les deux shahada et au salat wa salam ala nabi, les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Al-Muhashi ibn Qasim rahimahullah, il a fait dans l'introduction qu'on a lue juste avant. Donc là, il émet plusieurs hypothèses. Pourquoi le shir, il n'a pas commencé en disant Alhamdulillah, il s'est contenté de la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Il n'a pas cité Alhamdulillah, il n'a pas cité les deux shahada, il n'a pas cité les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc là, il y a plusieurs hypothèses. Il dit que peut-être il l'a dit par la bouche, mais sans l'écrire. C'est une possibilité. Ou alors il s'est contenté de la basmala, parce que la basmala, c'est le dhikr, c'est-à-dire c'est le rappel, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus forte. Ou alors aussi, il s'est contenté de la basmala parce qu'il a suivi, comme on l'a dit avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses lettres. C'est-à-dire que c'est comme si le shir, il avait considéré ce livre-là qu'il a écrit comme une lettre qu'il l'envoie au ulama et qu'il l'envoie au toulab al-ilm. Donc il l'envoie au ulama pour que les ulama soient comme rad. Soit comme réponse ulama parmi les ulama des mushrikines, soit aux prêcheurs pour qu'ils s'en servent pour faire la da'wa, soit aux étudiants en sciences qui vont s'en servir pour apprendre le tawhid. Mais dans tous les cas, il a fait comme si son livre c'était une risala, une lettre. Et c'est pour ça qu'il s'est contenté de la basmala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est contenté de la basmala dans ses lettres. Et la sunna, c'est que dans les lettres, quand on écrit une lettre à quelqu'un, on se contente de citer la basmala. On ne vient pas avec Alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah, wa shahadu an la ilaha illallah, etc. Par contre, dans les khutbas, la sunna, c'est de citer ces choses-là, c'est-à-dire la basmala, Alhamdulillah, les deux shahada et les prières sur les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait dans le dua al-haja. Inna alhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ila akhirih. Jusqu'à la fin de la dua, où cette dua-là, elle contenait toutes ces choses-là qu'on a citées. Ça, c'est la sunna dans les khutbas, mais dans les lettres, dans le murasalat, dans les risalas, quand on envoie une lettre, on se contente de la basmala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait. Et il a suivi en réalité aussi la même voie qu'a suivi l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Si on regarde le Sahih, l'imam al-Bukhari, il a écrit son livre de la même manière. C'est-à-dire que le Cheikh Mohammed, rahimahullah, il a écrit son livre de la même manière que l'imam al-Bukhari, où il a écrit son livre. C'est-à-dire, il a commencé par le basmala, sans khutbah. Et sans expliquer le but et ce pourquoi il écrit son livre. Et après, il a écrit son livre de la même manière, c'est-à-dire que l'imam al-Bukhari, il écrit le titre du chapitre, et en dessous, il met quoi? Il met des versets et il met des hadiths. Et dans les titres que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il met, encore une fois, comme on a dit, il y a un hukm, il y a un statut. Et les Adillah, c'est-à-dire les versets et les hadiths qu'il va citer dans le chapitre, sont des dalils, sont des preuves, sont des bases de ce hukm-là qu'il met dans le titre. C'est pour ça que les ulama ils disent fiqh al-Bukhari, fiqh al-Bukhari fi tarajimihi. La jurisprudence, la science dans la jurisprudence de l'imam al-Bukhari, on la retrouve où? On la retrouve dans at-tarajim, c'est-à-dire les titres qu'il a mis. Au chapitre, dans son livre, contrairement à l'imam Muslim. L'imam Muslim, il n'a pas mis de titre au chapitre. À la kulli hal, si on revient à notre livre, ça peut expliquer pourquoi le shir, il s'est contenté de citer que la basmala et sans citer l'alhamdulillah, etc. Mais malgré cela, Abdelrahman ibn Hassan, rahimahullah, il dit dans Fath al-Majid, il dit qu'il avait une édition écrite de la main du Shir, donc un manuscrit de Kitab Tawhid écrit par la main du Shir lui-même, Muhammad, où le Shir il a cité Al-Basmala, Alhamdulillah et Salat ala Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le débat il s'arrête. S'il a un autre manuscrit écrit de la main du Shir où il a cité ça, il n'y a plus la peine de citer, de chercher diverses hypothèses à ce pourquoi il l'a pas écrit, puisqu'il y a un autre manuscrit où il l'avait écrit. Ensuite, il va donner l'explication de l'hamd. Qu'est-ce que c'est l'hamd? Il dit Walhamdu dhikru mahasinil mahmoudi ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي بالحمدلة نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. الحمد La louange, Alhamdou, c'est quoi? C'est le fait d'évoquer les attributs de celui qu'on loue. Donc ça, c'est un acte de quoi? Ou c'est une parole de la langue. Mais est conditionné dans l'hamd, pour que ça soit l'hamd, il faut que ça soit accompagné de l'acte du cœur, c'est-à-dire de l'amour qu'on porte pour celui qu'on loue. De l'amour et de la glorification pour celui qu'on loue. Donc c'est une parole de la langue, donc le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'évoquer les noms et les attributs de perfection d'Allah jalla wa ala. Que ce soit des attributs de zat qui concernent son zat, comme on l'avait vu, comme Allah jalla wa ala, il est alim, le sami'un basir, qadir, etc., comme on l'a vu dans le wasitiya, ou des sifat de sifatun fi'liya, donc des attributs d'acte, comme on l'avait vu aussi. On se rappelle que sifat, ça, c'est, on a deux sortes de sifat, celle qui concerne le dhat d'Allah Jalla wa'ala lui-même, donc l'ilm, le basar, le sam', le qudra, etc. Et les sifat d'acte, c'est-à-dire le fait qu'Allah Jalla wa'ala yarzuq, rizq, le rahma, le huda, wa ghayri dhalik. Donc ça, tout ça, la louange, c'est le fait d'évoquer les attributs de perfection d'Allah Jalla wa Ala, de louer Allah subhanahu wa ta'ala en citant ces attributs de perfection, mais il faut que ça soit accompagné de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et de l'immensification, la glorification d'Allah Jalla wa Ala. S'il n'y a pas de hub, si on loue quelqu'un, on va citer les qualités de quelqu'un, mais sans l'aimer, alors ça s'appelle el-medh. El-medh. C'est la différence entre el-hamd ou el-medh. Et le sens de salat ala nabi, quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, ou salatullahi ala nabi, salatullahi ala nabi, quand on invoque Allah jalla wa ala de qu'il fasse un salat ala nabi. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que le salatul khalq, c'est la dua. Quand nous, on prie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'on invoque Allah jalla wa ala pour lui. Mais on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'invoque personne. Donc, salatullahi ta'ala ala nabi, le sens, comme l'ont dit certains salafs, c'est le fait d'invoquer Allah pour qu'Allah évoque et loue son messager auprès de ses anges. Fil malaïla ala, c'est-à-dire auprès de ses anges. Le serviteur, il reconnaît sa faiblesse et son impuissance à louer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il le mérite, comme il se doit. Donc il demande à Allah azza wa jal de le faire. C'est-à-dire d'évoquer Allah, d'évoquer son messager sallallahu alayhi wa sallam auprès de ses anges. Ici, il dit, c'est aussi le fait d'évoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ses qualités, et s'intéresser à lui, à son message, le fait de montrer sa noblesse, son mérite, et aussi le fait de montrer et de défendre son honneur, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit lui-même ou sa religion et ce avec quoi il est venu, c'est quelque chose qui est sacré pour les musulmans. Donc le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça rentre dans ce sens-là aussi. Et il dit à ce moment-là, La basmala, on appelle ça l'ibtida ou l'ibtida haqiqi, c'est-à-dire qu'il a commencé par al-basmala. Donc, c'est le fait de commencer par al-basmala et de faire suivre al-basmala par alhamdoulillah. Donc là, il parle de al-nusra, du manuscrit que Abdelrahman ibn Hassan il a eu dans ses mains et dans lequel il y avait alhamdoulillah. Dans lequel il y avait alhamdoulillah. Donc à ce moment-là, on dit que al-basmala, c'est on écrit le basmala pour débuter et qu'on débute aussi par alhamdoulillah. Mais alhamdoulillah, c'est comment dire, c'est une on c'est on c'est quelque chose qui est nisbi. C'est-à-dire on commence par alhamdoulillah, mais c'est pas un vrai commencement dans la mesure où on a commencé par al-basmala avant alhamdoulillah. Al-muhim, c'est pas très. Ensuite, il va Le shir, il va expliquer un petit peu de manière grammaticale la basmala. Donc là, il faut avoir quelques notions de grammaire, mais on va essayer on va essayer d'expliquer ça. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, et dit walba, donc dans bismillah, ça commence par un ba, et dit walba. Muta'alliqatun bimahdhuf. C'est-à-dire que Bismillahirrahmanirrahim, c'est pas une phrase en arabe. Ce qu'on appelle soit jumlatun mufida ou kalam. C'est pas une phrase. Si on l'apprend comme ça a pas de sens. Il y a forcément bismillah, le ba, il est forcément accroché à quelque chose qu'on a enlevé de la phrase. Quelque chose qu'on ne voit pas dans la phrase. C'est ce qu'on appelle le mahdouf. Ensuite, il dit Ikhtira kaunuhu fi'alan khassan muta'akhiran. Ikhtira kaunuhu fi'alan khassan muta'akhiran. C'est-à-dire que il y a des ulama qui ont dit que ce qu'on a enlevé de la phrase, c'est un verbe particulier et qui est à la fin de la phrase. C'est un verbe, c'est pas un nom. On sait que, pour ceux qui ont fait un peu de grammaire, al-jar ou al-majrur, c'est-à-dire al-harf al-jar, ici le ba, ou al-ism al-majrur, soit c'est accroché Soit c'est accroché à un verbe, soit c'est accroché à un nom, à un masdar en général. Et donc ici, il y a des ulama qui ont choisi que c'est un verbe. Le jar ou le majrour, c'est accroché à un verbe. Ce verbe-là, ce n'est pas un verbe qui est général, c'est un verbe qui est particulier. On va voir ce que ça veut dire. Et c'est un verbe qui est à la fin de la phrase qui n'est pas au début. Donc déjà, pourquoi c'est un verbe? Pourquoi on choisit que c'est un verbe et que ce n'est pas un nom? Ils disent parce que la base dans les actions, c'est le verbe. Si on dit Bismillah au début d'une action, quand on va faire quelque chose, que ça soit nos ablutions, que ça soit écrire un livre de science, que ça soit lire le Coran, que ça soit n'importe quoi, c'est un acte. Et l'acte, la base dans les actes, c'est qu'on utilise un verbe pour l'exprimer. Donc c'est pour ça qu'ils choisissent que c'est un verbe. Ensuite, qui est khas, qui est particulier. Particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas dire, par exemple, que le verbe qu'on a enlevé, c'est abda'ou, je commence. Bismillahi abda'ou. Donc par le nom d'Allah, je commence. Mais c'est un verbe qui est particulier, c'est-à-dire qui va être adapté à chaque situation dans laquelle on va se trouver. Si je vais manger, bismillahi akul. Par le nom d'Allah, je mange. Ou bismillahi ashrab. Bismillahi atawadda. Bismillahi aqra'u al-Qur'an. Donc c'est le fait de dire qu'il est particulier, c'est-à-dire que le verbe il va être à chaque fois adapté où il va correspondre à la situation dans laquelle je vais prononcer ces mots-là. Et enfin, il est mutaakhiran. Il n'est pas mutaqaddim, il n'est pas devant, il est à la fin. Ceci, il donne l'explication après. Il dit li alla yataqaddama fihi ghayru dhikrillahi 'azza wa jalla. وليصح الابتداء في كل قول وعمل ولأن الحذف أبلغ فلا حاجة إلى النطق بالفعل للدلالة الحال على أن كل قول أو فعل فإنما هو بسم الله. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, donc quand on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, pourquoi il dit on a enlevé ce qu'on a enlevé, ce qu'on appelle le mahzouf? Il dit, de cette manière-là, ça nous permet de ne citer que le nom d'Allah. On cite rien d'autre. Deuxièmement, ça nous permet de dire, de, comme on a dit avant, que le verbe qu'on a enlevé, c'est un verbe qui est particulier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter cette basmala à n'importe quelle situation. Si on mange, bismillah, akul. Si on boit, bismillah, ashrab. Si je fais mes ablutions, bismillah, atawadda. Alors que si je dis que le verbe, c'est un verbe global, c'est-à-dire abda, par le nom d'Allah, je commence, on ne peut pas l'utiliser de manière particulière pour chaque situation. Et enfin, le fait qu'il soit mutaqaddim, qu'il soit mutaakhir, pardon, qu'il soit à la fin et pas au début, il n'est pas avant le bismillah, il est après bismillah, ça nous montre quoi? Al-hasr ou al-qasr. C'est quoi al-hasr? C'est le fait, ou le hasr, ils disent en arabe, c'est ithbat al-hukm fil mazkur wa an-nafi amma siwa wa amma ada wa an-nafihu nafiu amma ada. C'est-à-dire, c'est le fait de dire, dans d'autres mots, que bismillahi, par exemple, ici dans le cas-là, l'auteur, il dit bismillahi ou allifu, la bi ghayrihi. C'est-à-dire, par le nom d'Allah, j'écris ce livre, pas par le nom d'un autre, que par le nom d'Allah. Al-hasr ou al-qasr, c'est ça. C'est ça qu'on appelle la ilaha illallah. Ce usloub-là, dans la langue arabe, il s'appelle usloub al-hasr ou usloub al-qasr. Ou quand on dit iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu, c'est toi seul qu'on adore. Na'buduka wahdaka, la ghayrak. La na'budu illa iyak. C'est ça le sens. Donc c'est pour montrer le hasr. Le fait de mettre le verbe qu'on a enlevé à la fin après le bismillah, ça montre le hasr et le qasr. Non. Et donc, taqdir, donc la phrase, ça donne quoi dans la réalité? Si on fait apparaître dans la phrase, si on cite dans la phrase ce qu'on a enlevé, ça donne Bismillahi u'allifu hala kawni musta'inan bi dhikrihi mutabarrikan bih. Ça veut dire que ici aussi dans ce qu'il dit là, il explique quel est le sens du ba. Le ba, ici bis, le ba, le sens est l'isti'ana wa atabarruk. C'est-à-dire que le ba, on va l'utiliser bismillahi atabarrak wa asta'in. C'est-à-dire que je cite le nom d'Allah en recherchant l'aide d'Allah Azza wa Jal dans cet acte-là que je vais accomplir. Si dis-je Bismillah, par exemple, avant de lire le Coran, je demande à Allah Azza wa Jal de m'aider à accomplir cet acte d'adoration et cet acte d'obéissance. Et aussi, Tabarruk, Mutabarrikan ou Tabarrukan, c'est-à-dire je cherche la baraka dans cet acte-là. Donc je cherche l'aide d'Allah Azza wa Jal et je cherche la baraka dans cet acte-là. La baraka, c'est le sens de la baraka, c'est ziyada wa nama. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, il rajoute de la récompense et, sur cet acte d'adoration et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'aide à l'accomplir. Donc c'est ça le sens, ça c'est le sens du ba. Bismillah, bismillah. Donc là ici dans le cas de l'auteur qui écrit le livre, c'est Bismillahi u'allifu, j'écris hala kawni Donc, dans l'état dans lequel je suis, musta'inan, en recherchant l'aide d'Allah Azzawajal, bi-dhikrihi, en citant son nom, mutabarrikan bihi, et en recherchant la baraka en citant son nom. Non. Ensuite, il dit wal-ismu mushtaqun min as-sumu wa huwa al-irtifa'u aw al-wasmu wa huwa al-'alama li'anna kulla ma sumiya faqad nuwiha bismi wa wusim. Ici, il dit que l'ism, donc bismi, l'ism, il dit que c'est dérivé de as-sumu. As-sumu, c'est al-irtifa' aw al-'ulu. Et c'est de là que ça vient, as-sama. On avait vu que as-sama dans la langue arabe, c'est l'ulu. Quand on avait étudié les versets dans le Wasitiya sur l'ulu, Allah Azzawajal dit par exemple dans Surat al-Mulk, A-amintum man fi sama, yani man fi l'ulu. As-sama yutlaq ala l'ulu. Si on se rappelle bien, as-sama, ça a le sens de ulu. Tout ce qui est au-dessus de notre tête, ça s'appelle sama. Même le toit de la maison, on peut l'appeler sama. Parce qu'il est au-dessus. Donc, il y en a qui disent, et ça c'est le madhhab de les Basariyin, ils disent que l'ism c'est dérivé de sumu, ou l'irtifa, ou l'ulu. Parce qu'Allahu alam, le nom qu'on donne à quelqu'un ou à quelque chose, ça va l'élever. Ou c'est dérivé de l'wasm. Ou le wasm, c'est l'alama, c'est-à-dire le signe ou l'indice. C'est-à-dire que le nom qu'on donne à quelqu'un, ça nous indique sa personne. Je sais pas, moi, quelqu'un s'appelle Baris. Son nom, Baris, c'est une indication, c'est un signe sur le zet de Baris, sur son corps. Je dis Baris, on sait de qui on parle. À la kulli hal. L'un ou l'autre. Ça, c'est le deuxième, c'est le madhhab del Koufiyin. Il y a toujours un khilaf chez les ulama de la langue arabe, le madhhab del Basariyin et le madhhab del Koufiyin. El Basra ou el Koufa, c'est deux villes en Irak et c'est deux villes dans lesquelles il y avait des savants, des grands savants de la langue arabe et ils étaient souvent en divergence sur des sujets dans la grammaire et dans la langue arabe. Donc souvent, les ulama, ils vont citer les avis des gens del Basra et l'avis des gens del Koufa. Non. Ensuite, il dit Wallah. Donc, lafz al-Jalal, Allah. Il dit Alamun ala Rabbina, Tabaraka wa Ta'ala. Wa huwa a'rafu ma'arifi. Al-Jami'i l-Ma'ani l-Asma'i l-Husna. Wa huwa mushtaqun bi-Ma'ana annahu dallun ala sifatin lah. Il dit donc le nom Allah, c'est un nom. Ou c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que c'est le nom I'raful Ma'arif. On sait que les noms, ils sont soit Ma'rifa, soit Nakira. C'est-à-dire, soit ils sont définis, soit ils sont indéfinis. Si je dis El-Baytu, le nom, il est défini. On parle d'un Bayt bien particulier. Si je dis Baytun, c'est Nakira, c'est indéfini, on parle de n'importe quelle maison. Ils disent que Allah, c'est le plus défini de tous les noms. Ils disent, les ulama de la langue arabe, ils disent que normalement, Ad-Dama'ir, c'est les noms qui sont les plus définis. Huwa, Ana, Nahnu, etc. Mais Allah, c'est le plus défini de tous les noms définis. Et c'est un nom qui regroupe tous les sens des autres noms. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que son nom, il est dérivé de la sifat de l'uluhiyya ou de l'ilahiyya, c'est-à-dire de la divinité. C'est qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit Allahu, comme il va le dire après l'auteur, Allahu dhul-uluhiyya wal-ubudiyya ala khalqihi ajma'in. C'est-à-dire qu'Allah jalla wa ala, ce nom-là, si on se rappelle bien dans les cours qu'on a fait sur le Wasitiya, le nom, il indique bil mutabaqa, il indique deux choses. Il indique al-dhat et il indique al-sifa. Donc, Allahu yadullu bil mutabaqa ala dhati Allahi jalla wa ala wa ala sifatihi al-uluhiyya. Donc, ça indique sur le dhat d'Allah jalla wa ala et ça indique aussi sur sa sifat, sur son attribut l'uluhiyya, la divinité, le fait que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et lui seul mérite l'adoration, pourquoi? Parce qu'il a les qualités de la perfection, parce qu'il a les attributs, il est décrit par les attributs de la perfection, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah, ce nom-là, il indique sur tout ce qu'indiquent ses autres noms. C'est le sens. Et il dit, comme on a vu, tous les noms d'Allah, jalla wa ala, ils sont, tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont mushtaq. Mushtaq, ça veut dire quoi? C'est comme on l'a dit, c'est que ce n'est pas un simple nom, mais c'est un nom qui va indiquer un attribut. Il s'appelle As-Sami'. As-Sami', c'est un nom qui nous indique quoi? That, mais qui nous indique aussi qu'Allah jalla wa ala, il est qualifié de l'attribut de As-Sam'. Le fait qu'Allah il soit audient, qu'il entende tout. Ça, c'est contrairement au nom, comme on l'avait aussi dit dans le Wasitya, au nom de al-makhluqin, des créatures. Les noms de al-makhluqin, on dit, asma'uhum jamida. Ils ne sont pas mushtaqa, ils sont jamida. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, je peux l'appeler Salih, donc ça, c'est un nom, ça indique son zet. Est-ce que ça indique qu'il est Salih, qu'il a l'attribut de Salah? Non, il peut être Talih. Il peut être l'inverse, subhanallah. Et ce n'est pas parce qu'il s'appelle Salih qu'il est Salih. Ce n'est pas parce que quelqu'un il s'appelle Ahmed qu'il a la sifat de l'Hamd, etc. Donc les noms de l'Makhloukine, ils sont Jamida. Ils sont fixes. Ils ne sont pas dérivés de quelque chose. Alors que les noms d'Allah Jalla wa Ala, ils sont dérivés. Ils sont mushtaqa, on dit. C'est-à-dire que il nous indique qu'Allah Jalla wa Ala, il a cet attribut-là. Il dit wa asluhu al-ilah. Wa asluhu al-ilah. Huzifat il-hamzatu wa udrimat il-lamu fil-lam. Faqil Allah bil-tafkhim. Wa ma'nahu zul-uluhiyya wal-ubudiyya ala khalqihi ajma'in. Et donc la base du nom Allah, de quoi Allah ce nom, il est dérivé? Il est dérivé de l'ilah. Donc, il est la divinité. Donc, si on prend elle, il est, si on regarde le mot, donc on a Hamza, Lem, Hamza, Lem, Ha. Il dit Huzifat il Hamza. C'est-à-dire le Hamza du milieu, il a été enlevé. Donc, il nous reste Hamza, Lem, Lem, Ha. Le premier Lem, il est Sakina. On a une soukoun. Et le deuxième, il est, on a la fetha. Et la règle dans la langue arabe, c'est quand on a deux lettres, la première sakina et la deuxième avec une haraka, on doit forcément faire ce qu'on appelle idgham. C'est-à-dire, on doit rentrer une lettre dans l'autre. Et donc, c'est devenu Allah. Et on prononce ce qu'on appelle at-tafrim. At-tafrim, c'est le son là grave qu'on prononce. Allah. On ne dit pas Allah, Allah. On dit Allah. Et tafrim, c'est pour le ta'zim. Ta'zim Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah. Et dit le sens, comme on l'a dit avant, c'est une parole d'Ibn Abbas. Ma'anahu zul-uluhiyya wal-ubudiyya ala khalqihi ajma'in. C'est-à-dire celui qui possède la qualité de la divinité. Celui qui mérite l'adoration lui seul sur ou de la part de l'ensemble de ses créatures. Ça, c'est le sens de Allah. Donc, Allah, c'est un nom qui nous indique quoi? Deux choses, comme on a dit, bil mutabaqa, dhatullahi ta'ala, et son attribut de l'uluhiyya. C'est-à-dire, lui seul mérite l'adoration de par les sifat par lesquels Allah, subhanahu wa ta'ala, il est décrit, ou par lesquels il s'est décrit dans son livre, et par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a décrit dans sa sunna, comme on l'a vu dans Al-Wasitiya. Wa ar-Rahman. Ar-Rahman, Il dit Rahman ad-dunya wal akhira. Ar-Rahman, c'est mushtaq min ar-Rahma. C'est-à-dire que Ar-Rahman, c'est un des noms d'Allah Jalla wa Ala, et c'est dérivé de sa sifat Ar-Rahma, la miséricorde. Et ici, il dit que Ar-Rahman, c'est Rahman ad-dunya wal akhira. C'est-à-dire, ici, il nous montre que Ar-Rahman, c'est un sens plus large que Ar-Rahim. Parce que certains salafs, ils disent que Allah Jalla wa Ala, il est Rahman avec tout le monde. C'est-à-dire avec les croyants, avec les mécréants et même avec les animaux, avec toutes ces créatures. Allah Jalla wa Ala, il est Rahman. Et ensuite, il dit Wa Rahim Rahmatun Khassatun bil Mu'minin. Allah il dit Wa kana bil Mu'minina Rahima. Donc Allah Jalla wa Ala, il est Rahim avec les Mu'minin, pas avec les Kuffar. Donc ça, c'est une miséricorde particulière, spéciale pour les croyants. Donc ça, c'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit ici et c'est une parole d'une partie des salaf. Mais il se pose un problème. Il y a Ishkal, il y a d'autres ulama qui ont soulevé un problème. C'est qu'Allah Jalla wa Ala, il dit dans Surat al-Baqara Allahu alam, c'est dans les versets où Allah subhanahu wa ta'ala il parle du changement de Qibla. Allah il dit وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله كان بالناس رؤوف رحيم أن الله كان بالناس رؤوف رحيم. Et donc Allah Jalla wa Ala dans ce verset il dit qu'il est rahim bin nas. Et nas, ça comprend que les kuffars et les croyants. Donc là, Allah Jalla wa Ala dit qu'il est rahim bihim, kullihim. Donc il est rahim bil kuffar aussi. Donc c'est un problème sur cette explication-là de la différence entre Rahman et Rahim. Il y en a d'autres comme Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et son élève Ibn al-Qayyim. C'est la deuxième parole qu'il cite. Il dit Wa Rahman. دل على الصفة القائمة به والرحيم دل على تعلقها بالمرحوم. Ça l'avait dit aussi dans le Wasitia. Il y en a, ils disent qu'en fait, Ar-Rahman, c'est une sifat dhatia. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, il est décrit par la Rahma. C'est-à-dire, c'est celui qui détient la miséricorde totale, complète. Ensuite, Ar-Rahim, c'est une sifat fi'liya. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, il fait parvenir cette miséricorde-là à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc ça, c'est une rahma fi'liya. C'est un acte qu'Allah Jalla wa Ala, il fait. Ar-Rahman, c'est une sifat dhatiya. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, il est décrit son dhat, il est décrit comme étant celui qui détient la miséricorde complète. Maintenant, cette miséricorde-là, il la fait parvenir à qui il veut. Et ça soulève, ou disons, ça résout le problème qui a été cité par certains savants concernant donc le fait qu'Allah Jalla wa Ala il dit « Wa kana bin nasi ra'ufu ra'ufun rahim » Rahim bin nas. Nas, ça comprend les croyants et les kuffars aussi. Donc si on explique ça comme étant Rahman sifat, ذاتيه الرحم صفه فعليه ça résout ce problème là. Allahu a'lam. Mais en tous les cas, même la première parole, c'est la parole d'une grande de la majorité des salafs. Wallahu a'lam. Al-Muhim, Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est deux sifat d'Allah Jalla, deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont tous les deux dérivés de Ar-Rahman, la miséricorde. Et Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est les deux, c'est ce qu'on appelle Sirat al-Mubalagha. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, ça montre qu'il a beaucoup de miséricorde. Et Ar-Rahman est plus fort que Ar-Rahim. Parce qu'il y a une règle chez les savants, chez Sarfiyin, les savants du Sarf, ils disent Ziyadatu al-Bina tadullu ala ziyadat al-Ma'na. C'est-à-dire quand un mot, on lui rajoute des lettres. Plus il a de lettres rajoutées sur la base, sur sa base, plus il est fort dans le sens. Rahman, on rajoute le alif et le nun. Rahim, on rajoute juste le ya. Donc on a deux lettres rajoutées contre une. Donc Ar-Rahman, il a un sens plus fort que Ar-Rahim. Donc c'est pour ça qu'il y en a, ils ont, et parmi les salafs, ils ont dit Ar-Rahman, c'est plus fort. Donc ça concerne tout le monde, toute la création. Ar-Rahim, c'est particulier. Ça concerne que les croyants. Wallahu alam. Ensuite, il commence, il dit Kitab al-Tawhid. Donc ça, et on continuera Wallahu alam la prochaine fois, ça fait déjà 1h10. Kitab al-Tawhid, donc c'est le titre du premier chapitre que le cheikh il a donné. Le titre du premier chapitre. Donc on continuera inshallah la prochaine fois. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.